En ce moment, une méchante bonne fit adroitement sauter avec la lame d'un couteau le crochet de la porte battante qui faisait toute la sécurité d'Adam et Ève. Elle ouvrit brusquement la porte, car les locataires de ces édens ont tous peu de temps à eux, et découvrit un de ces charmants tableaux de genre, si souvent exposés au salon d'après Gavarni. « Ici, madame, » dit la fille, et Cydalise entra, suivie du baron Montès. « Mais il y a du monde, excusez, madame, » dit la Normande effrayée. « Comment ? Mais c'est Valérie !» s'écria Montès, qui ferma la porte violemment. Madame Marneff, en proie à une émotion trop vive pour être dissimulée, se laissa tomber sur une chauffeuse au coin de la cheminée. Deux larmes roulèrent dans ses yeux et se séchèrent aussitôt. Elle regarda Montès, aperçut la Normande et partit d'un éclat de rire forcé. La dignité de la femme offensée effaça l'incorrection de sa toilette inachevée. Elle vint au Brésilien et le regarda si fièrement que ses yeux étincelèrent comme des armes. « Voilà donc, » dit-elle en venant se poser devant le Brésilien et lui montrant Cydalise, « de quoi est doublée votre fidélité. Vous, qui m'avez fait des promesses à convaincre une athée en amour, vous pour qui je faisais tant de choses, et même des crimes. Vous avez raison, monsieur. Je ne suis rien auprès d'une fille de cet âge et de cette beauté. »